Et la suite de vos aventures sur France Culture, dans quelques instants, troisième épisode de la série documentaire En mal de toi, état des lieux du mal logement, par Jérôme Sandlart et Véronique Samouilov. Tout à l'heure, après le journal de 18h aux alentours de 18h20, vous avez rendez-vous avec le grain à moudre d'Hervé Gardette qui se demandera aujourd'hui à qui confier les archives non essentielles. Pour ce qui nous concerne, eh bien, demain, grand entretien avec Claire Mathieu, nouvelle titulaire de la chaire informatique et sciences numériques du Collège de France, sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.